c'est bon, tu ressens l'atmosphère, la couleur de speed, sa douleur. Comme la douleur de l'exploitation, les peuples dans la gade ou là où des gosses. T'as peine 7 à 10, printemps subit 15 à 17 heures de labeur pour un bien d'argent, du beurre, même pas de quart d'heure. Des petites merdes qui rapportent gros au gouvernement. Des lois non respectées mais ratifiées pour moi de merde, main. L'enseignement, ça coûte beaucoup d'argent, trop cher aux parents. Alors on les envoie à la mine, ouais. Ou dans les textiles. L'indifférence sociale hausse le taux de mortalité infantile. Mais faut-il agir dans l'ignorance sans penser aux conséquences? Rien à battre, faut faire du pognon. Ferme une usine et voile et se livrer à la prostitution ou à l'esclavage, à l'ajout du jouet, encore au Lego. Le mégot au bec à jouer les vrais mecs qui n'a rien vécu de la vie en fait, qui n'a pas d'ennui, de soucis en tête. Lui n'a pas eu d'enfance pour quelques piécettes, pour quelque chose dans l'assiette assez dans les presque aussi rêche que celle de son père. Et on oublie tout ceci, ouais. À force d'amasser des petits soucis, puis il tombe dans l'oubli. C'est pour us que Dallas est en vie, ouais. Pour l'union, tu saisis. La verdad hiere, la realidad duele, suele ser free sin sabor, porque el dolor no tiene color. Un mundo cruel sin amor, donde florece el temor, marchita la flor. Mi alrededor observa el terror, me pregunto de quién viene el error. Muchos culpan al diablo, otros al creador. Muchos pierden la fe de un mundo mejor. Corazones duros como piedra, de guerra en guerra por un trozo de tierra. Manos que se lavan, ojos que se cierran, al ver el cadáver tirado a las aceras. Ningún llorado, solo a la carretera. Es la que me despela, no es una novela, papi, es la realidad. Muchos nacen sin tener la oportunidad, ni felicidad, ni en Navidad. Año viejo que se va, nuevo que trae más que la vida. Baby drowning in tears of silence. He's scared every time he hit the sirens. He lost reliance on his parents since his mom was a crackhead. His stepdad used to abusing every night before bed. So much hate he wished he was there until he was fed up and left home to become an hombre and get his own bread. But he wasn't prepared, maybe he wasn't aware. Home was a nightmare, yeah, but it's hell out there. Shorty beware, that evil's everywhere. He has too many different faces at the same time, can be so many different places. Cause he chases the young mind with horrid bases until he snatch your soul entire with horrible lasers. Like drugs and shit, guns and shit, sex and shit. It's hard to find peace of mind when you can slip in it, right? And every night the beast goes out of his bed. And every night he spit his venom in kids roaming the streets, homeless. And that's really real. Cause if they don't sell drugs, it means they gotta steal. But those who got no choice, you know what they got left to deal. As the night falls, many stores on the sidewalks. Sex means survival for these poor muchachos. The world is yours, but all you see is closed doors around you. You try to find a place where misery won't find you. Pretty lies always sound true. Fuck the government, they never gave a fuck about you.